allez-y, faites des ronds. Mais ça n'équivaut pas à la force que nous fédérons. Allez-y, faites des ronds. Mais ça n'équivaut pas à la force que nous fédérons. Qui va sombrer dans le péché, qui va sauver son prochain, qui va se faire enfermer, qui fera sauter les portes, hein, qui rentrera dans les rangs, qui va changer les codes, qui va renforcer les esprits et qui fera danser les corps, hein. J'écris chaque texte en lisant entre les lignes et je ne vise pas les liasses du cartel de Medellin, hein, non. J'avais de l'avenir mais le présent m'en a privé. Combien sont partis juste avant de voir l'arrivée, hein. J'ai misé tout sur ma vie, je me suis mis à rimer. Des fois je remercie ma plume de nous avoir liés. J'ai pas de pierre précieuse, pas de Porsche, pas de villa, mais j'ai vu le ciel bleu à travers les yeux de Karina. J'ai tracé mon parcours seul, j'ai de quoi les faire briller. Je partage l'amour, je n'attends pas le mois de février. Quatre saisons, de l'encre qui coule entre les mains. Je plante le décor avec le coup de griffe d'un félin. L'esprit serein, juste un simple terrien, hein. Et mon troisième œil scrute le terrain. Certains s'interrogent, mais combien ont laissé tomber. Et on peine à croire que la douleur viendra s'estomper. Ouais, faut reconnaître que l'humain sait se tromper. L'erreur est du cré qui va s'y confronter. Ouais, faut reconnaître que l'humain sait se tromper. L'erreur est du cré qui va s'y confronter, hein. Allez-y, faites des ronds. Mais ça n'équivaut pas à la force que nous fédérons. Allez-y, faites des ronds. Mais ça n'équivaut pas à la force que nous fédérons. Qui va sombrer dans l'oubli et qui va s'en souvenir. Qui va tromper la mort et qui va la nourrir, hein. Qui va donner son corps, qui n'a pas l'âme soumise. Qui va pleurer de joie et qui n'est pas né pour sourire. Qui mentira sur scène et versera des larmes en coulisses. Le succès à tout prix et qui assumera tous les risques, hein. De l'amour à la haine, que les jaloux méditent. Chaque jour est unique et paraît que tout est écrit. Qui va sombrer dans l'oubli et qui va s'en souvenir. Qui va tromper la mort et qui va la nourrir, hein. Qui va donner son corps, qui n'a pas l'âme soumise. Qui va pleurer de joie et qui n'est pas né pour sourire. Qui mentira sur scène et versera des larmes en coulisses. Le succès à tout prix et qui assumera tous les risques, hein. De l'amour à la haine, que les jaloux méditent. Chaque jour est unique et paraît que tout est écrit. Allez-y, faites des ronds. Ça n'équivaut pas à la force que nous fédérons. Allez-y, faites des ronds. Ça n'équivaut pas à la force que nous fédérons.